va faire une petite excursion là, dans, disons, dans un domaine qui m'est plus familier, qui est celui de la mythologie. Les peuples antiques aussi, les Grecs et les Romains, s'interrogeaient sur l'existence des Noirs. D'ailleurs, à l'époque, on ne disait pas les Noirs, on disait toujours des Éthiopiens. Enfin, d'une façon générale, l'Éthiopie était connue, mais Hérodote ne parle des Éthiopiens, ce qui veut dire en général les gens de race noire, puisqu'il a quand même connu, il y a eu des renseignements jusqu'au Niger, donc il s'agissait aussi de ce qu'on appelle les Africains, mais à l'époque, ça s'appelait la Libye, n'est-ce pas ? Donc on disait Éthiopiens d'une façon générale pour désigner les peuples noirs. Et les Romains se demandaient d'où venaient ces Noirs. Comment c'est-il qu'il y avait des gens avec la peau blanche et d'autres avec la peau noire ? Il y a un mythe qui l'expliquait, qui est assez amusant, et qui montre quand même que dans la tradition, on ne les considérait pas, j'allais dire, comme responsables de leur couleur. Parce que finalement, il y a inconsciemment toujours cette idée qu'on est un peu responsable non seulement de son visage, mais de sa couleur, et qu'il y a une association entre le fait d'être noir et peut-être, j'allais dire, l'intériorité de chaque individu. Alors, tout le monde était blanc à l'origine, tout au moins dans toute leur région connue de l'époque. Le monde, pour les Grecs, c'était la Méditerranée, le Proche-Orient, ça allait jusqu'à l'Inde et jusqu'à l'Espagne, ça n'allait pas au-delà. Et donc, tout le monde était blanc, et voici qu'un jour, Phéton, qui était un jeune garçon, qu'on disait fils du soleil. Et comme il était fils du soleil, un jour, il va trouver son père et lui dit, puisque je suis ton fils, m'autorises-tu à conduire ton char ? Et le soleil lui dit, impossible, le char, c'est quelque chose de très difficile, il faut maîtriser les chevaux, il faut prendre un itinéraire très précis, mais il lui dit, je suis ton fils, tu ne peux pas me le refuser. Et comme le soleil avait fait serment le jour où il retrouverait son fils de lui accorder son premier désir, il ne peut pas se déjuger et il lui confie le char en lui faisant des recommandations. Évidemment, Phaéton ne sait pas conduire le char, il a peur de la grande ourse, il a peur du scorpion, le char et les chevaux qui ne sont pas maîtrisés commencent à partir dans tous les sens. Et voilà le soleil qui quitte son orbite habituelle et qui commence à partir dans le ciel. Alors il va très haut et d'un seul coup la Terre se refroidit, c'est là que sont nées les calottes glaciaires, n'est-ce pas ? Qui ont commencé les continents glaciaires. Et puis, à un autre moment, il s'est rapproché tellement que tous les gens qui se sont trouvés sur le parcours ont eu le visage brûlé. Et il s'est trouvé donc passé dans ce qui est actuellement l'Éthiopie, la Libye et les régions qu'on appellerait les régions de l'Afrique du Nord. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a des gens qui ont le visage brûlé. Bien entendu, Phéton est tombé. Il fait partie de ceux qui sont tombés du ciel, comme Icare et comme beaucoup d'autres, par orgueil, par incompétence et, je dirais, par désobéissance. Et donc, le soleil a repris en main le char et depuis, son parcours est un parcours normal. Mais cette excursion, je dirais, hors des routes habituelles, est donc à l'origine des calottes glaciaires et des noirs. Pour les anciens, c'était un accident. Ce n'était pas une condition naturelle, mais c'était un accident. Bon, alors je referme la parenthèse parce que... C'est en tout cas beaucoup plus joli que mon histoire à moi avec mes céréales. C'est plus joli que l'histoire des céréales, bien sûr. Mais il y a parfois certaines intuitions dans les mythes qui font que quelquefois on se trouve en face de prémonitions ou de coïncidences assez intéressantes. Enfin, on pourrait en citer pas mal d'exemples. L'exemple de l'origine des Éthiopiens, d'après Ovide, c'est dans Ovide, n'est-ce pas, que cette histoire existe, montre que finalement l'interrogation se faisait, mais que la réponse était une réponse non raciste. D'une certaine façon, c'était des malheureux. C'était des gens qui avaient été victimes d'un accident imprévisible dont ils n'étaient pas responsables et qui ont porté la trace un peu comme une cicatrice, n'est-ce pas, définitive. Et donc, il y avait là, bien entendu, pas du tout de racisme. D'ailleurs, le terme raciste n'existait absolument pas dans les mondes antiques. Il y avait des différences, des hiérarchies, des sentiments certainement de supériorité culturelle, mais jamais de racisme au sens où on l'entend. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre forme de racisme, si on peut dire, c'est l'écart entre les hommes et les femmes, avec la vision qu'ils avaient où l'enfant était le fils de son père et où la mère n'était jamais qu'un auxiliaire pour faire le bébé pendant 9 mois, est-ce que ça ne donnait pas aux femmes un rôle extrêmement secondaire et inférieur par rapport à l'homme ? Si, parce que pendant toutes ces époques, enfin là vous y faites allusion dans un de vos livres, on a affirmé très longtemps que la femme n'était qu'un réceptacle. Hein. C'est ça. L'homme dépose une graine, le père dépose une graine dans le ventre de la mère qui se contente de la couver, de la laisser mûrir et qui l'expulse. Cette façon de voir était par contre la seule accessible dans l'Antiquité. Et il y a même dans la tragédie grecque, Eschyle, ce dramaturgentique, qui a écrit une trilogie dans laquelle il y a un problème à la fin, dans la troisième pièce qui s'appelle Les Euménides, une discussion entre Apollon et Athéna sur l'origine de l'homme. Qui est-ce qui est responsable de l'homme? Car c'est à propos d'Orestes, n'est-ce pas, qui a tué sa mère, et donc il s'agit de savoir si on l'absout ou si on le condamne. Et il s'agit de savoir donc si Orestes a été fait par son père ou par sa mère. C'est une discussion très intéressante parce qu'ils essaient très honnêtement, Eschyle, et j'allais dire tous ceux qui en son temps ont réfléchi à cela, les philosophes notamment, et commencé par Platon, ont cherché à savoir d'où vient l'homme et est-ce que c'est le père ou c'est la mère. Bien entendu, il y avait des implications aussi hautes que religieuses. Il y avait des implications sociales, héréditaires, je veux dire, des transmissions des biens, transmission du nom, transmission de la lignée. Mais sur ce plan-là, les Grecs, effectivement, pensaient que c'est l'homme qui féconde la femme, qui offre le réceptacle de sa matrice. Et Athéna, au contraire, prétendait que c'est la femme qui, à partir de ce qui est une simple graine, la transforme et lui donne aussi sa personnalité. Et c'est pourquoi Orestes doit être condamné, puisqu'il a tué celle qui l'a fait, sa propre origine. Et c'est une discussion intéressante, mais bien entendu, le jury étant composé par des hommes, il était entendu que finalement, Orestes serait absous au bout d'un certain temps. Donc, ceci pour dire que c'est une question qui, depuis longtemps, a hanté les chercheurs, sauf que, bien entendu, ces gens n'avaient pas de moyens de savoir, c'est tout. Aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'on est ensemble, aujourd'hui, on sait. Mais il n'empêche que le monde autour de nous continue à réagir comme s'il ne savait pas. Ça, totalement. Et c'est ça qui continue d'être déconcertant. Mais c'est dramatique de penser à quel point, justement, on a enfin compris ce que c'était que faire un enfant, c'est-à-dire faire un troisième à partir de deux, mais on ne l'a pas compris depuis bien longtemps, puisqu'au fond, le premier qui a compris, c'est Mendel, il y a juste 128 ans. Et pendant 35 ans, personne ne l'a écouté. Donc ça n'est qu'en 1900 qu'on s'est dit, quand même, ça vient un peu des deux. Mais c'est tellement étrange comme phénomène, vous savez, à deux, en faire un troisième, c'est quelque chose d'incompréhensible au départ. Pour la bonne raison qu'un individu, c'est-à-dire un être indivisible, ne peut pas avoir de source, c'est ce que disaient les Grecs, au fond. Je suis un être indivisible, donc je n'ai qu'une source. Alors, comme atome, d'ailleurs, qui vient du grec, qui veut dire ce qu'on ne peut pas couper. Je ne peux pas être découpé, donc je n'ai qu'une source. Alors, ou c'est le père ou c'est la mère, on peut discuter, mais ça ne peut pas être les deux. Or, que nous dit Mendel, et ça c'est comme ça que je présente les fameuses lois de Mendel, il ne faut surtout pas parler des lois de Mendel. Mendel nous dit, un individu ne peut pas avoir de source. Nous autres, les êtres sexués, nous avons deux sources, donc nous ne sommes pas des individus, nous sommes des dividus. Mmh. Et que ce concept de division est complètement loin de notre mentalité. Et il faut dire, moi je passe mon temps à dire ça même dans les collèges, et même aux enfants de classe primaire, vous êtes des dividus. C'est-à-dire que quand vos parents vous ont fait, chacun des deux s'est coupé en deux. Et comment il s'est coupé en deux? En tirant au sort, il a envoyé la moitié de ce qu'il avait reçu. Et c'est tellement nouveau, personne ne l'a compris, en fait. Et c'est jamais bien dit dans les classes, jamais bien dit dans les bouquins de cours. Non, mais là encore, effectivement, il y a sinon des interventions, enfin, je ne sais pas, des suggestions qui doivent être possibles. Là, vous avez raison de dire que c'est un problème d'éducation. Avant tout, parce que notre origine, le problème de notre origine reste fondamental. Alors, il est vrai aussi que c'est des problèmes de métaphore quand il s'agit de petits-enfants. On ne peut pas leur dire, à 5 ans, disait Mendel. Il y a des problèmes de métaphore. Mais on peut le dire à 12, peut-être. Mes préférés, ceux à qui je peux m'adresser, les plus jeunes, c'est 11-12 ans. Et là, je sors un livre qui va s'appeler E égale CM2. CM2 étant cours moyen deuxième année. Ce n'est pas tout à fait aussi bien qu'Einstein. Et je reprends des phrases posées par des enfants, mais qui emploient même des mots techniques. « Monsieur, comment il est rentré dans l'ovule de ma maman, le supermatozoïde de mon papa ?» Voilà une phrase magnifique, surtout avec le supermatozoïde. Eh bien, ils ont entendu parler avec des mots techniques, mais ils n'ont rien compris à l'essentiel. C'est que chacun des deux parents n'avait donné que la moitié de lui-même. Et ça, Quand on lit vos livres, on découvre une chose très intéressante, c'est que Mendel a été un personnage fondamental quand même de notre connaissance de nous-mêmes. Il a eu un concept. Il est relativement peu, il est cité tout le temps, mais il n'est pas connu. C'est très intéressant que ce fût un moine, d'ailleurs, qui se soit intéressé à cette question. Bon, c'est à propos des poids, peut-être c'est plus facile. Au début, il se posait le problème plus largement. Il est quand même très méconnu, en fait. Il reste très méconnu et pourtant, il apparaît comme quelqu'un d'essentiel dans la connaissance de nous-mêmes. C'est le concept central qui a sauté. L'individu est devenu l'individu. Mais vous savez, au départ, il ne s'occupait pas de petits pois. Quand on va à Brno, où il travaillait, dans son monastère, il y a un magnifique musée, Madel, et on raconte des histoires, je ne sais pas si c'est vrai. Ils disent que quand il est revenu de faire ses études, qu'il avait plus ou moins raté d'ailleurs, il s'est passionné pour la procréation, il a commencé à avoir des élevages de souris. Et il faisait copuler des souris blanches avec des souris noires ou des souris grises, jusqu'au jour où il y a eu des plaintes des bons bourgeois du pays, disant qu'est-ce que c'est que ce moine qui passe son temps à faire copuler des souris. Ils n'avaient pas lu Freud à l'époque, mais ils se sont dit c'est pas bien normal. Alors son prieur lui a dit de s'arrêter, et il a eu le droit de continuer avec des petits pois, parce que les copulations de petits pois, c'est moins... Oui, d'ailleurs, enfin, j'en profite pour faire une remarque. Vous savez, autant que je me souviens, dans l'histoire de la biologie végétale, il a fallu très longtemps pour faire admettre aux savants que les fleurs avaient un sexe. Mais on comprend, parce que ça met la frontière, non pas entre les animaux et les plantes, ça met la frontière entre ceux qui se reproduisent et ceux qui procréent. Oui. Et ça, c'est beaucoup plus fondamental. En fait, nous appartenons au monde qui procrée, alors que nos arrière-grands-parents, il y a très longtemps, étaient capables de se reproduire. Et que pour moi, le grand événement dans l'histoire de la Terre, c'est quand on est passé de la reproduction à la procréation. Parce que la reproduction, ça fait du nombre, et la procréation, ça fait du neuf. Ce qui est complètement différent. Alors au fond, est-ce que c'est une chose aussi qui émane de par de vos livres, mais qui est très intéressante, sur laquelle il faut qu'il faudrait approfondir. Vous dites une chose qui me semble très juste. Le problème n'est pas tellement les vérités ou les certitudes qu'on peut acquérir dans des domaines quels qu'ils soient, mais de savoir poser les bonnes et vraies questions, n'est-ce pas, au moment où, éventuellement au moment opportun, ou tout au moins en un temps où on est capable d'y répondre ou de les résoudre. Et c'est vrai que la connaissance est moins une question non seulement d'accumulation ou de savoir, qu'une question de savoir interroger correctement, de poser des questions qui ont un sens par rapport au domaine qu'on veut étudier. Et ça encore aussi, par exemple, savoir poser une question, c'est quelque chose qu'on n'apprend nulle part, qu'on n'enseigne pas et qui est fondamental. Parce qu'une grande partie des malentendus, une grande partie des erreurs, et même parfois bien au-delà des scissions, des schismes, des hérésies, des bûchers, des quantités d'autres choses qui ont alimenté l'histoire des découvertes ou l'histoire des esprits, viennent de ce qu'on a posé des fausses questions ou des mauvaises questions qui ne pouvaient pas comporter de réponses ou qui comportaient que des réponses absurdes parce que, je dirais, sectaires. Dans un sens ou dans un autre. On pourrait donner des exemples de toutes sortes, mais le plus grave, c'est dans le domaine religieux. On a souvent posé des questions auxquelles il n'y avait pas de réponse. Et aujourd'hui, vous citez des exemples de cet ordre en disant « Le jour où on a supposé la question, on a trouvé des réponses intéressantes. » Par exemple, le cas de Mandel est révélateur parce que les questions qu'on se posait avant étaient fausses. On voulait... on ne comprenait pas, c'est vraiment faire trois... Enfin, 1, 2 et 3 sont des éléments, le père, la mère et l'enfant, sont des éléments qu'on a mis très longtemps à associer dans une causalité Oui, c'est très mal posé. Et le mieux, le plus étrange, c'est la réponse qu'avait trouvé Buffon. Dieu sait qu'il était intelligent et connaissait des choses. Buffon se disait comment à deux on en fait un troisième, et il était bien d'accord que ce n'était pas seulement le père et seulement la mère, il y avait un mélange des deux. Alors il avait inventé un truc complètement farfelu, disant chaque organe de chacun des deux géniteurs envoie un messager dans ses liqueurs séminales. C'est-à-dire que le bout de votre nez, le bout de votre pouce gauche envoie un messager dans votre sperme. Puis la femme en face, elle en fait autant avec ses liqueurs. Au moment de la copulation, les liqueurs se mélangent, les deux messagers correspondants se retrouvent, fusionnent et fabriquent l'un le bout du nez de l'enfant. Alors, on est presque dans la... C'est vraiment du mythe. Hein, dans la théorie des homoncules, au début du microscope, je crois que les premiers... Mais c'est pas seulement des enfants du Jésus, ont cru voir des petits enfants à l'intérieur du... Tout fait dans le spermatozoïde. On les a dessinés, d'ailleurs. Le veneux lui-même les a dessinés. Je crois qu'il y a des dessins qui les représentent. Alors, tout ça, c'est du mythe. On retrouve votre domaine. Oui, tout à fait. Alors, mais... C'est basé sur rien, tout simplement, la question était mal posée. Je me demande, et je me le demande d'une façon un peu arbitraire, parce qu'en réalité, ou je veux dire de façon conventionnelle, parce que je crois connaître la réponse, si être savant, ou être un savant, ou être un scientifique plutôt, ce n'est pas finalement, quel que soit le domaine auquel on se consacre, savoir poser des questions auxquelles il est possible de répondre. Parce qu'à travers l'évolution depuis des générations, on s'est aperçu qu'il y a eu des gens extrêmement lucides, extrêmement curieux, qui ont pressenti un certain nombre d'évidences, mais qui n'avaient pas à leur époque les moyens d'y répondre. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé, parce qu'on y pense souvent à cela, et là encore, ce sont des choses qu'on ne développe jamais. Il y avait un philosophe grec qui s'appelait Anaxagore. Il n'est pas très connu parce qu'il ne reste que très peu de choses de lui, un peu par le hasard. Il n'a pas beaucoup écrit, mais il a tout de même écrit. Et c'est lui d'ailleurs le premier qui s'est fait expulser d'Athènes parce qu'il avait dit que le soleil n'était pas un dieu, mais une boule enflammée. N'est-ce pas ? Et on l'avait donc expulsé d'Athènes parce qu'on considérait que c'était un jugement sacrilège. Et Anaxagore s'était posé dans une question apparemment tout à fait bête. Sa femme devait sans doute avoir des élevages de lapins qu'elle nourrissait avec des carottes. Et Anaxagore se demandait pourquoi les lapins, à force de manger des carottes, ne devenaient pas des carottes. Parce qu'à l'époque, bien sûr, la philosophie reposait pratiquement sur le principe de l'essence, d'un élément fondamental et indestructible. Et donc, si on mange, enfin, si on absorbe des carottes tout le temps, normalement, le principe carotte devrait à la longue l'emporter sur le principe lapin, n'est-ce pas ? La substance carotte devrait l'emporter sur la substance lapin. Or, il n'en était rien, et ça restait un grand mystère pour Anaxagore, qui a eu le mérite de poser la question, formidable, mais qui n'avait pas effectivement les moyens d'y répondre. Alors, je suis sûr qu'il y a eu des centaines de questions comme ça à travers l'histoire, qui nous ont échappé. Celle-ci, on la connaît parce qu'elle a été rapportée par un disciple. Montaigne également pose une question identique à propos de la gravelle, de la maladie de son père. Exactement. Et qu'il avait aussi. Et il dit, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, au même âge, j'ai la même maladie, alors je le saluerai bien bas, à condition qu'il donne des réponses qui ne soient pas encore plus compliquées que la question. Or, c'est vrai qu'on s'entend, on ne savait pas non plus répondre à ça. Alors moi, ça me fascine beaucoup, ces gens qui ont pressenti la réalité des problèmes, et même, j'irais dire, les chemins de la causalité, Anaxagore, Montaigne, on pourrait en citer beaucoup d'autres, et qui, pour leur malheur, ont vécu dans une époque qui n'est pas la nôtre. N'est-ce pas ? Ça aurait été intéressant qu'il y ait un dialogue entre vous et Montaigne, par exemple. Vous auriez répondu, je crois, de façon très claire. Alors, par exemple, vous auriez répondu quoi à Montaigne ? Il pose la question remarquablement bien, parce qu'il dit la petite pièce de lui-même dont il m'a fait, il l'évoque, il ne savait pas ce que oui, c'était qu'un spermatozoïde. Hein. Il invente, le spermatozoïde. C'est une très belle image. Une très belle image. La petite pièce de lui-même dont il m'a fait, en quoi emportait-elle de cette maladie une impression ? Alors que quand il m'a fait, il n'avait pas la gravelle. Il n'a eu la gravelle qu'après m'avoir fait. Et moi, j'allais au même âge que lui. Par où ça a pu passer ? Et la façon dont il pose la question est remarquable. Évidemment, il n'a pas la réponse. Pour l'avoir, il faut attendre le XXe siècle. Pour lui dire, mais en supposant que la gravelle soit une maladie génétique, ce que je ne suis pas sûr, mais admettons qu'elle le soit, ou qu'une prédisposition à la gravelle le soit, eh bien, il faut dire, vous avez été fait par un ensemble de gènes dont l'un a provoqué la fabrication dans votre corps d'une certaine hormone ou d'une certaine substance qui fait que, tout naturellement, un beau jour, vous avez la gravelle. Alors, ce n'est pas la gravelle, mais la chorée de Huntington, c'est exactement la même chose. Vous avez reçu un gène qui fait qu'aux environs de 35-40 ans, vous développez cette maladie épouvantable. Et avant, vous ne l'avez pas. Par conséquent, elle l'est potentiellement en vous, mais elle ne se manifeste que plus tard. Non, on a simplement un sentiment. On aurait voulu répondre à Montaigne, un homme qui pose si intelligemment la question. C'est génial. La façon de poser la question est vraiment extraordinaire. Mais finalement, c'est comment bien poser des questions qui est difficile. Mais alors, par contre, alors, qu'est-ce que vous répondriez à Anaxagore ? Pourquoi, lorsque nous mangeons du mouton, nous ne venons pas du mouton ? Parce que l'essence, ce n'est pas le mouton, ce n'est pas la carotte, ce n'est pas le lapin. L'essence, c'est les objets qui constituent la carotte. Et à l'intérieur de la carotte, alors il faudra remonter très loin, parce qu'à l'intérieur de la carotte, il va y avoir peut-être des protéines qui ne sont pas du tout des protéines de lapin. Et par conséquent, le lapin, qu'est-ce qu'il va faire ? La carotte, il va la décomposer en protéines. Puis les protéines, il va les décomposer en acides aminés. Puis les acides aminés, il va les utiliser tels qu'ils sont, d'accord, pour refabriquer des protéines qui seront des protéines de lapin. Donc il faut remonter beaucoup plus loin. L'erreur d'Anaxagore, c'était de ne pas s'être situé au bon niveau de décomposition. Mais il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à la molécule, ou jusqu'à l'atome, ou jusqu'au quark. Il suffit de s'arrêter à l'acide aminé. Acide aminé, le lapin n'ira pas plus loin dans sa décomposition. Mais ce qu'il fallait voir, c'est une carotte qui n'était pas une carotte, qui était un assemblage d'acides aminés. Et oui, mais tout ça, comment c'est pareil. Voulez-vous qu'il le sache ? On pourrait lui répondre aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il y a eu des hommes pour se poser ces questions. Poser des questions, parce que la question était fondamentale. Et ces questions fondamentales qui peuvent faire sourire aujourd'hui, oui, en réalité, alors, il y a aussi des questions ne pouvaient pas avoir de réponse en son temps. Oui, mais alors, il y a aussi des questions qu'il vaudrait mieux ne pas poser, parce qu'elles n'auront jamais de réponse. Pour moi, c'est la question dont on parle souvent actuellement, de l'apparition de la vie sur la Terre. Comment est-ce que la vie est apparue ? Alors on invente n'importe quoi. Et pour moi, il ne faut pas poser la question parce que la vie n'est pas apparue. Parce que le concept de vie, alors ça c'est vraiment un changement conceptuel profond, le concept de vie n'a pas de contenu. Pour moi, il y a eu sur la Terre, comme ailleurs dans l'univers, un mouvement vers la complexité. C'est-à-dire que des objets sont arrivés qui sont de plus en plus riches d'éléments. Étant de plus en plus riches d'éléments en interaction, ils ont des pouvoirs de plus en plus étonnants. Et à mesure qu'ils se complexifient, ils ont des pouvoirs de plus en plus grands. Et pour moi, un cristal, ça a déjà des pouvoirs, ça s'est vibré. Et puis, progressivement, sur la Terre, on a vu des objets plus riches, plus complexes. Et une bactérie, ça n'est jamais fait que d'un certain nombre de molécules qui interagissent. Seulement une bactérie, à cause de toutes ces molécules en interaction, ça sait respirer, ça sait réagir, ça sait digérer. Et on est tellement émerveillé devant ces pouvoirs, qui sont effectivement merveilleux, qu'on dit « Oh, c'est vivant ». Mais le mot « vie » ne traduit pas une propriété spécifique de la bactérie. Il traduit notre émerveillement devant les pouvoirs qu'a la bactérie. Mmh. Et en fait, on peut raconter l'histoire de façon, je crois, beaucoup plus réaliste, en disant « Il y a eu une continuité dans la complexification. À partir d'un certain niveau de complexité, ça nous semble tellement fabuleux comme pouvoir qu'on dit c'est vivant, mais au fond, c'est complètement arbitraire de faire commencer la vie ici ou là. Je crois que c'est Teilhard de Chardin, d'ailleurs, dans le phénomène humain, qui dit que les commencements ne sont pas saisissables. Il n'y a pas de commencement. C'est la phrase que disait, dans un autre contexte, François Jacob. C'était à propos du problème de l'avortement, au fameux procès de Bobigny. Il disait la vie ne commence pas, elle continue. Mais bien sûr. Mais la vie continue jusqu'au Big Bang. Autrement dit, nous pouvons raconter l'histoire de l'univers en commençant dans l'après-Big Bang, en s'apercevant qu'après peu de temps après le Big Bang, c'était homogène et que peu à peu, c'est devenu anhomogène. Inhomogène, c'est devenu fabriqué, composé d'éléments de plus en plus imbriqués les uns dans les autres. Et à partir du moment où on met des objets en interaction, eh bien, on fait apparaître du neuf. Et là, je crois que c'est l'idée centrale sur laquelle j'aimerais insister. J'ai déjà évoqué tout à l'heure l'opposition entre le « est » et le « plus ». Eh bien, chaque fois qu'on met en interaction, et que par conséquent on crée du « est », on fait apparaître du nouveau. Alors que le « plus » ne fait rien apparaître de nouveau, qui soit inattendu, l'interaction fait apparaître du nouveau. Il suffit, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, très peu de chimie, d'évoquer la chose suivante. Si vous avez ici un tas où il y a du chlore, il faut vous sauver parce que le chlore, c'est extrêmement toxique. C'est un gaz qui va vous empoisonner. Sauvez-vous, c'est du chlore. Là, il y a un tas où il y a du sodium. C'est un métal extrêmement dangereux parce qu'il explose la moindre goutte d'eau. Sauvez-vous. Mais ici, vous avez une substance dont chaque molécule est faite d'un atome de chlore, d'un atome de sodium, du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel de table. Vous ne sauvez pas, ce n'est pas dangereux. Vous savez tout du chlore, vous savez tout du sodium, vous ne savez rien du chlorure de sodium. Eh bien, je crois que ça, c'est essentiel. À partir du moment où vous avez écrit du « et », ce n'est pas du chlore plus du sodium, c'est du chlore et du sodium, alors vous faites apparaître des choses inattendues. Et je crois que c'est beaucoup mieux de voir cet univers en train de fabriquer du neuf, alors qu'on est en train de dire le contraire de ce que disait, je crois, l'Ecclésiaste, il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. Eh bien, si, le propre même de notre univers, c'est de faire apparaître du neuf en permanence, de l'inattendu, de l'imprévisible. Heureusement. Et c'est comme ça que nous sommes là. Si bien qu'il n'y a pas eu création de la vie, apparition de la vie, il y a eu continuité. Et puis, même chose, il y a eu un beau jour, dans le mouvement de la vie, dans l'évolution, apparition d'êtres un peu étranges. Et me voilà en fin de course, moi, l'être le plus étrange qui soit, et même, je dirais, un des plus ratés qui soit, puisqu'on peut, c'est une théorie, mais au fond, elle en vaut bien d'autres, on peut situer l'apparition ou la divergence vers l'homme à quelques ratages qu'avaient nos ancêtres primates. Oui, Certainement, oui. Le problème vient de ce qu'on se pose des questions longtemps après, dans le langage. On s'est interrogé sur le langage alors qu'il était formé depuis des milliers d'années, j'allais presque dire à l'insu de l'homme. Donc à un moment où il était en quelque sorte, c'est un peu comme un fleuve qui s'interrogerait simplement au moment de son estuaire, n'est-ce pas? Et donc qui n'aurait beaucoup de mal à se souvenir de sa source ou à la retrouver. Donc c'est aussi, mais c'est en même temps notre regard qui, j'allais dire, qui synthétise des éléments disparates qui par eux-mêmes n'ont pas de sens particulier, pour leur en donner un. Je reprends une phrase d'un de vos livres. Vous dites qu'au fond, un crépuscule, ce n'est jamais que des photons animés d'une certaine vitesse qui viennent sur la Terre en provenance du Soleil, selon certaines conditions de température, etc. Mais un crépuscule, par contre, c'est une invention de l'homme, n'est-ce pas ? Absolument. Sans l'homme, il n'y a pas de... Alors, ça m'a rappelé une phrase d'un auteur américain qui s'appelait Korzybski, très contesté d'ailleurs dans les milieux universitaires, qui avait fait un traité de sémantique générale, chose un peu ardue pour moi, mais où il y avait dans ce livre une phrase qui m'avait beaucoup marqué, la preuve c'est que j'ai dû lire ça il y a 30 ans et que je vous en parle aujourd'hui, mais qui rejoint un peu votre remarque. Il dit, à un moment dans ce livre, un arbre qui s'effondre à l'époque carbonifère a-t-il fait du bruit ? Puisque personne, il n'y avait aucun être humain pour l'entendre. Parce que le bruit, c'est une invention de l'homme aussi. Hein, il n'a pas fait de bruit, alors, il a fait pas, vibrer l'air. Cette question, tenez, au fond, j'ai jamais rencontré personne encore pour y répondre, parce qu'elle me paraît très intéressante, ou alors c'est peut-être une très mauvaise question. Un arbre qui s'effondre à l'époque carbonifère, fait-il du bruit ? Alors c'est ça. Réponse, très probablement, le choc de l'arbre contre le sol a provoqué un ébranlement de l'air, ça a fait des vibrations dans l'air. Ça, très probablement, presque sûrement. Mais s'il n'y avait pas de tympan pour transformer ça en la sensation d'un bruit, ça n'a pas fait de bruit. De même que les photons qui vous viennent du soleil ne sont beaux en particulier, ne créent une harmonie et ne provoquent une émotion que parce que vous êtes là. Ça, c'est une phrase que je dis souvent aux enfants. Le monde est beau parce que vous le regardez. Et moi, je l'ai compris au milieu du désert, où je trouvais ça si beau. C'est extraordinaire d'être au milieu du désert. Il fait froid, la nuit est splendide, il y a des étoiles, et puis il y a vous. Mais si vous trouvez ça beau, vous vous dites, pourquoi c'est beau ? C'est des petites lumières de rien du tout. C'est beau parce que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas là, c'est pas beau. Et ça compte dans ma réaction vis-à-vis de l'univers. Je n'ai pas le droit de priver l'univers de ma présence, puisque sans moi, il ne serait pas beau. Mais est-ce que quand vous dites beauté, par exemple, prenons l'exemple de la nuit au Sahara, est-ce que ce qu'on ressent comme étant la beauté, ce n'est pas aussi une façon de le rendre beau, oui, mais cohérent, c'est-à-dire de toujours vouloir lui redonner un sens par rapport à nous ? Est-ce que la beauté, ce n'est pas une façon de le rendre parent de nous-mêmes ? Est-ce qu'au fond de vous-même, cette beauté évidente n'est pas aussi une façon de vouloir qu'il existe, pas seulement pour soi, mais avec quelque chose qui nous relie, ne fût-ce qu'un léger fil de la Vierge, d'une causalité ou d'une analogie ou d'une métaphore. Moi, je dirais plus loin, c'est ma façon de m'approprier le monde. Je me l'approprie en le trouvant beau, qui n'est beau que grâce à moi, et je me l'approprie aussi d'une autre façon, en essayant de le comprendre. Pour moi, la science, c'est une grande tentative pour s'approprier le monde. Peut-être aussi les mythes, car tous ces dieux étaient inventés par les hommes, et toutes ces belles histoires merveilleusement poétiques étaient inventées par les hommes. C'est une façon de s'approprier le monde. Parce que là, vous venez presque de prononcer une phrase qui est dans le Phèdre de Platon, qui m'a beaucoup troublé parce qu'elle allait à l'encontre, à l'époque où j'étais un peu dans l'optique surréaliste, à l'encontre un peu de mes jugements, de mes réactions à l'égard du monde. Il dit quelque chose, je m'excuse auprès de lui de le citer un peu approximativement, mais il dit qu'on ne peut pas trouver beau ce que par ailleurs on ne comprend pas. Pour lui, la beauté résulte d'une compréhension des éléments qui relient enfin, il parle de la beauté d'une statue, en l'occurrence, bien sûr. Mais parce que la nature n'était pas très très présente chez les Grecs anciens, tout au moins, il ne parle jamais des arbres, c'est vrai, il ne parle pas des insectes, il ne parle pas de ce monde qui semble peut-être pas étrangers, mais enfin dont il ne préoccupe pas. Mais quand il parle des œuvres d'art, bien sûr, il parle des statues, mais il parle aussi des monuments. Parfois, il parle de certaines montagnes ou de certains objets naturels. Et il dit qu'on ne peut y trouver beau, que la beauté n'est pas un fait brut, ce n'est pas quelque chose qui s'impose à vous comme une sorte de révélation. C'est au contraire le résultat d'un cheminement, parce qu'on en comprend l'origine et on comprend le jeu, le métier, le travail qui est dedans, et que si on ne perçoit pas tout cet apport successif de l'homme, du sculpteur, de la matière, de sa nature, et aussi de l'image qu'il a voulu traduire, alors on ne peut pas éprouver un sentiment de beauté. Et bien sûr, certains disciples discutent là-dessus, en disant que la beauté ne dépend pas de tous ces éléments-là. Pour Platon, et semble-t-il, dans ce que vous avez dit, c'est un peu ça, il y a quand même un lien qui n'est pas gratuit entre le sentiment diffus d'une révélation par la beauté et le fait aussi que précisément cela vous concerne. C'est-à-dire qu'il y a... Au fond, il y a l'objet, que ce soit une statue, que ce soit un homme, une femme, que ce soit l'univers avec ses étoiles, et puis il y a moi en face. Et j'ai besoin de m'approprier d'une certaine façon ça. J'ai besoin justement, comme vous le disiez, de créer un contact, un lien, et un lien très organique, qui fasse que cet objet et moi, on soit en connivence. Eh bien, pour moi, c'est le même cheminement intérieur qui fait que je vais trouver ça beau, et qui fait que je vais essayer de comprendre comment ça marche, ce que c'est. Mais vous, je veux dire par là qu'au fond, vous saviez déjà ce que c'était avant de le voir. Moi, j'ai quelquefois parlé avec des amis astronomes en leur disant, à force d'étudier le ciel pendant 20 ans, est-ce que vous avez encore le temps de le trouver des étoiles ou de regarder le ciel tout bêtement comme un enfant qu'il découvre, ou même tout simplement comme un promeneur qui s'émerveille, ou qui en tout cas s'étonne, ne fût-ce que s'étonner. Et j'en connais certains qui m'ont dit, mais Dieu merci, le jour où je ne serai pas capable de voir aussi des étoiles comme des points lumineux dans l'espace qui nous racontent une histoire ancienne avec des jolies fables, alors c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup sont devenus astronomes. Alors dans ce cas, je crois que je trouve plus tout plaisir à mon travail. Je crois qu'au contraire, le fait qu'ils aient appris beaucoup de choses par ailleurs fait que ce ciel, ils le voient différemment qu'avec leurs yeux. Ils en rajoutent, ils savent que dans cette direction, il y a 3 ou 4 galaxies lointaines qui ont telle ou telle propriété, et elles sont absolument invisibles, mais ils les voient presque, puisqu'ils savent qu'elles sont là. Autrement dit, ce que l'on voit, c'est ce qu'on sait être présent, et on ne voit pas les choses qu'on ne sait pas être présentes. Et est-ce que vous voulez dire au fond que ce que l'on voit, c'est aussi ce que l'on crée ? Oh oui, en permanence. En permanence, c'est pourquoi, pour moi, j'ai tant de bonheur à certaines théories mathématiques, elles sont belles. Et quand Einstein dit, quand il va choisir entre plusieurs théories, je choisis celle-là pour des raisons d'esthétique. C'est pas possible. Dieu est peut-être malin, mais il n'est pas pervers. Par conséquent, il ne va pas nous envoyer à un monde où il y a des équations mal foutues pour l'expliquer. Il a bon goût, au fond, pour le dire. Il a bon goût. Alors, il ne peut pas avoir fait un univers qui corresponde à une équation qui n'a pas de bonne gueule, quoi. Autrement dit, l'argument esthétique compte, y compris dans les théories mathématiques. Mais quand il dit, parce que c'est une phrase de lui, moi je la connais parce qu'elle est plus célèbre que l'autre, quand il veut répondre à une question, mais Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Oui, parce que tout le monde est d'accord qu'il avait tort ce jour-là. Oui. parce qu'effectivement, dire Dieu ne joue pas au dé, ça a l'air de dire demain est prévisible. Demain existe déjà à l'intérieur d'aujourd'hui. Or, tout le monde est bien persuadé maintenant que demain n'existe pas à l'intérieur d'aujourd'hui. Non, il a dit une fois, puisqu'on cite Einstein, une bien plus belle, c'est que ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. Oui, c'est beaucoup plus profond, parce que notre esprit soit construit de telle façon qu'il arrive à pénétrer peu à peu à l'intérieur de l'univers, d'avoir découvert les quarks, qui ne sont pas une donnée immédiate quand même, découvert ce genre de choses, ça c'est quand même beau, ça prouve une très grande connivence préétablie entre la technique que nous avons pour raisonner et une certaine réalité qui s'échappe bien sûr à mesure qu'on s'en approche. Alors j'ai envie, là, délibérément, de faire ce qu'on appelle un coq à l'âne, encore que je ne connais pas bien l'origine de cette expression, parce que je voulais vous poser une question sur une phrase d'un de vos livres, je crois que c'est « Au péril de la science ». Une phrase qui m'a beaucoup plu, je ne pense pas qu'elle plaira à tout le monde, mais justement, il faut la lire, il faut lui donner son sens. C'est à propos, d'ailleurs, parler de l'ingénieur en l'occurrence, peut-être pourrait-on trouver aussi d'autres équivalences. Vous dites « L'ingénieur qui loue son intelligence au moi » pour améliorer les techniques et les résultats financiers d'une entreprise dont les finalités lui sont totalement inconnues, se prostitue-t-il moins que la demoiselle qui loue ses charmes au profit d'un client dont elle ignore tout. Voilà, voilà une phrase, à la limite, elle se suffit elle-même, il n'y aurait pas tellement besoin d'extrapoler dessus. Mais je la trouve courageuse, je la trouve juste, et je me demande si beaucoup de personnes ont le recul nécessaire pour se rendre compte parfois de ce que vous dites par la prostitution généralisée que notre époque provoque. Enfin, est-ce que, dans l'ensemble, cette prostitution, en tout cas cette démission, on pourrait dire davantage, qui précisément se fait en même temps que la science elle-même augmente son regard, augmente ses découvertes, augmente les des éléments de réflexion qu'elle pourrait nous donner et sur lesquels nous appuyer. Comment voyez-vous justement cette, j'allais dire, cette incompréhension entre d'un côté une science qui nous apporte des éléments de réflexion, de connaissance, et donc à la limite de décision, et d'un autre côté, des attitudes qui, dans la société, nous font démissionner, en fait, quotidiennement. Alors, ça, cette phrase-là, je l'ai écrite parce que je suis de plus en plus révolté. J'admire ce monde, j'admire l'homme, je suis émerveillé, et je suis écœuré par ce qu'on en fait actuellement. On est en train de se précipiter dans l'horreur, justement, dans la prostitution généralisée, dans la compétition, dans la concurrence, dans la destruction. Et c'est en tant que grand-père que j'arrive plus à accepter ce monde d'aujourd'hui. Alors c'était une de mes phrases méchantes, parce que je suis polytechnicien, je suis ingénieur, et je suis écœuré devant ces gens qui ont voué leur vie à simplement réussir une carrière. Mon Dieu, quelle horreur. Et puis à faire... au fond, à devenir des objets au service de choses qu'ils ignorent et ils s'en foutent. Il n'y a plus de finalité nulle part. Donc il faut absolument réagir. Mais là, on s'en sera probablement le sujet de notre dernière rencontre. Là, c'est l'homme d'aujourd'hui scandalisé qui essaie de réagir. J'essaie de réagir quand, par exemple, je travaille actuellement avec l'abbé Pierre, avec tous les groupes qui sont autour de lui. Écoutez, je vais être encore plus méchant. Nous avons tous, il y a quelques mois... étaient solidaires des petits-enfants de Neuilly qui étaient pris en otage par un fou qui les menaçait de mort. On était tout contents que ça se termine bien, au moins pour les enfants. Mais aujourd'hui, quand je vois 55 enfants, rue du Chalet, métro Belleville, à Paris, qui sont menacés tous les jours d'être foutus dehors à 6h du matin par des huissiers et des flics, et qui en sont vraiment bien traumatisés, ces pauvres gosses, est-ce qu'ils ne sont pas pris en otage par le maire de Paris ? Qui se conduit très exactement comme le fou de Neuilly. Bien sûr, je ne dis pas du mal de monsieur le maire de Paris, je ne veux pas savoir qui c'est. Mais la municipalité de Paris, donc moi qui participe à ça, qui actuellement creuse des trous autour de ces maisons pour essayer de les faire tomber, qui a coupé l'arrivée d'eau, et ces familles sont obligées de faire la corvée d'eau tous les matins, alors qu'il y avait des robinets. Eh bien, est-ce que ces familles-là ne sont pas prises en otage complètement ? C'est scandaleux, et tout le monde s'en fout, et tout le monde laisse faire. Qu'est-ce qu'ils ont de différent des enfants de Neuilly ? Un peu la couleur de la peau, probablement, mais on ne va tout de même pas tenir compte de ça. Eh bien, cette société d'aujourd'hui, qui tout d'un coup se sent généreuse, un peu de frais d'ailleurs, parce qu'elle est solidaire d'enfants qui sont menacés, et puis le lendemain, quelques semaines après, elle laisse faire des choses presque équivalentes, parce qu'ils vont être sacrément marqués, ces pauvres gosses, quand ils auront 18 ans, qu'ils se souviendront qu'en France, on leur a fait ça. Il ne faut pas attendre qu'ils soient de bons citoyens. Ça va être des loupards affreux. Mais il faut savoir réagir. Et là, ce que j'ai marqué, c'est ma révolte, et je ne sais pas par quel bout réagir. Vous dites la société, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Parce que cette révolte est tout à fait légitime. Mais quand on dit la société, on accuse un fantôme, enfin on accuse quelqu'un qui... Eh oui, parce que la société, c'est moi. La société, c'est moi quand je réagis pas assez. Mais bon, je vais raconter une histoire vraie aussi, qui s'est passée là, il y a 2 ans. Il y avait 9 femmes qui... mères de famille qui faisaient la grève de la faim sur un trottoir dans Paris parce qu'elles ne savaient pas où loger avec leurs gosses. Elles étaient allongées sur des couvertures de l'abbé Pierre, là, de Emmaüs, et puis leurs enfants autour. Elles étaient en train de crever sous la pluie. Alors on me dit, il faut que tu y passes. Alors j'y passe, c'était 8h du soir, j'étais fatigué. Je dis, il faut que dès demain matin, je fasse partie de ceux qui s'occupent de ça. Quand le lendemain matin, j'ai voulu m'en occuper, j'ai rien eu à faire. Car une heure après moi, était passé l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre n'a pas dit, il faut que je m'en occupe demain matin. Il a poussé un cri, un coup de gueule. Il a téléphoné à l'Élysée, au maire de Paris, ou à l'archevêque, à tout le monde, au préfet. Et ça a été résolu dans la nuit même. Bon, ben, j'ai reçu une bonne leçon ce jour-là. C'est pas le lendemain qu'il faut s'en occuper. Et l'abbé Pierre, parce qu'il s'est gueulé, il fait partie de la société, mais il sait la transformer. Donc, ce qu'il faut, c'est se rendre compte à quel point on est dans une société qui n'a pas que des mauvais côtés, d'ailleurs. Surtout, on est en démocratie. La preuve, c'est que je peux dire ça, c'est pas si mal, déjà. Mais une société qui a trop de vices, il faut réagir à chaque fois. Il faut dire non. Et malheureusement, on ne dit pas assez souvent non. On a évoqué toutes sortes de belles choses, et les mythes, et la science, et la beauté. Mais je crois que dans le présent, on est vraiment devant... pas un tournant, une révolution de la société qui va être profonde. C'est sûr, le monde de demain ne ressemblera pas au nôtre. Et on accepte trop qu'il devienne ce que d'autres auront voulu. Et puis les autres en font autant, si bien que ce soit par à volo. Ce qu'il faut, c'est cette révolution, la faire et pas la subir. Parce que finalement, entre la vision globale de la science qui nous mène vers ce qu'on appelle l'instabilité, l'incertitude, l'imprévisible, par contre, notre vie quotidienne, elle... implique du prévisible, du stable. Ben oui, il faut bien vivre. Et c'est président le contraire. Il faut bien organiser. Et si j'étais ministre, je ne saurais pas quoi faire. Mais quoi que si j'étais ministre de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de choses dont je suis très bien. Il y a beaucoup d'idées dans vos livres sur l'éducation nationale, sur la façon, sur ce qu'on devrait véritablement, non pas enseigner, mais faire admettre tranquillement, lentement, et pas du tout sous forme d'un savoir qu'on communique. C'est surtout pas du savoir. C'est le contraire du savoir. Et il y a énormément d'éléments qui font prendre conscience des insuffisances de ces enseignements, c'est-à-dire du fait qu'on continue à apprendre des dates inutiles, Azincourt, Marignan et compagnie, alors qu'il y a des dates fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas les dates fondamentales de Pasteur, de Mandel, de ceux qui ont vraiment œuvré d'une façon très positive pour nous permettre de nous connaître. Car Marignan nous a permis de connaître personne, même pas l'adversaire qu'on tue. D'ailleurs, à quoi ça sert de connaître quelqu'un, c'est pour le tuer. Personne ne sait contre donc, qui on se bat. Il vaut mieux connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, ça veut dire l'aider à vivre, ça ne veut pas dire le tuer sur un champ de bataille. Et vous avez aussi raison, et comment, quand vous dites « tu crois dans l'idée vécue », que chaque fois que les militaires vous ont toujours expliqué que leur but, c'est précisément d'empêcher la guerre, vous posez la question, mais pourquoi est-ce que le ministère de la guerre ne s'appelle pas ministère de la paix ? Exactement. J'ai essayé. Pour notre dernier entretien, je voulais vous poser une question qui, moi, me préoccupe depuis longtemps, et en vous lisant, je m'aperçois qu'elle vous a aussi préoccupé, parce qu'elle concerne de près, je crois, notre société d'aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où certains se réclament, certainement abusivement, des découvertes de la science, et notamment de celle de Darwin, pour conseiller ou diriger les comportements humains. Et il y a un mot que moi j'ai toujours eu en méfiance, pour ne pas dire parfois en horreur, parce qu'il a été utilisé d'une façon que je crois très négative et plus que jamais aujourd'hui, c'est le mot compétition. La compétition, bien sûr, au sens sportif, on peut encore admettre qu'elle est une sorte de rivalité harmonieuse et positive. Mais en réalité, on voit que la société aujourd'hui l'utilise dans un sens qui est en fait une forme, un euphémisme pour dire la loi de la jungle. Et qu'être compétitif, ça semble être une des conditions non seulement de la réussite sociale, mais j'allais dire du bonheur d'être humain. Or, il me semble qu'une société qui se réclame de la compétition comme pratiquement la seule morale que l'on propose aujourd'hui à la jeunesse, me paraît une société gravement, gravement compromise. Comme vous me faites plaisir, pour moi aussi le mot compétition est un mot horrible, et je ne suis pas le seul. Un biologiste comme Jacques Testard disait récemment devant moi, si on me demande quel est le mot le plus laid de la langue française, je réponds compétitif. Alors, vous avez évoqué Darwin. Darwin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait deux choses. Au milieu du siècle dernier, il nous a fait comprendre que l'évolution du monde vivant, c'était un fait. Jusque-là, on pouvait mettre en doute que toutes les espèces descendent d'une origine commune. Darwin a tellement accumulé de preuves que, grâce à lui, on est obligé de dire tous les primates ont une origine commune, tous les animaux ont une origine commune, et même tout ce qui est vivant a une origine commune. Autrement dit, quand on remonte l'arbre généalogique de n'importe quel vivant, il suffit de remonter assez loin pour trouver des ancêtres communs à tous. Entre un chimpanzé et moi, l'ancêtre commun est à 5 ou 6 millions d'années. Entre une grenouille et moi, il est à je ne sais pas combien, de centaines de millions d'années. Peu importe, il y en a. C'est bien que ce qu'a apporté Darwin, c'est l'évidence que ce qui est vivant sur la Terre a une origine qui remonte très loin et qu'il y a eu une différenciation peu à peu. Puisque je ne suis pas comme un chimpanzé, alors que nous avons des ancêtres communs, c'est donc qu'il y a eu une évolution sur les deux lignées. L'une a mené au chimpanzé, l'autre a mené à moi, et cette évolution a eu lieu. Deuxième question, et c'est là que Darwin a proposé quelque chose d'original, car l'évolution, il ne l'a pas inventée, ça avait été proposé avant. Simplement, ce qu'il a fait, c'est de donner des preuves qui font qu'on ne peut plus, après lui, dire le contraire de l'évolution. La deuxième idée, c'est, alors, quel a été le moteur de cette évolution? Et sa réponse a été la sélection naturelle, la victoire des meilleurs contre les moins bons. Et quand on relit d'un peu près ce qu'il a dit, on s'aperçoit que c'est basé sur une erreur. Une erreur qu'il, et là je dis pas de mal de Darwin, une erreur qu'il ne pouvait pas ne pas commettre. La phrase clé, c'est la suivante. Il dit, dans la nature, il naît plus de petits qu'il ne peut en survivre. Il suffit de voir les portées d'animaux, il y en a souvent des milliers, et il n'y en a que quelques-uns qui vont survivre. Eh bien, parmi ces petits, il y en a qui ont, par chance, reçu un patrimoine biologique favorable, alors ils ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui ont un patrimoine défavorable. Et par conséquent, quand à leur tour ils vont procréer, par la vertu de l'hérédité, ils vont avoir des petits qui auront les mêmes caractéristiques favorables. Or l'erreur, c'est la phrase « par la vertu de l'hérédité », car il faut bien le comprendre, Darwin ne savait pas ce que c'est que faire un enfant. Darwin n'avait pas lu Mendel pour la bonne raison que Mendel n'avait pas encore publié ses textes. Et par conséquent, comme tout le monde, il ignorait l'essentiel de la transmission, qui est la transmission génétique. Alors quand en 1900, on a enfin compris Mendel, c'est-à-dire qu'on a enfin compris que quand on procrée, on n'envoie que la moitié de ce qu'on a reçu, c'est au fond l'idée essentielle, alors tout est remis en cause, et on a très bien compris à ce moment-là, que croire Mendel, c'était réfuter Darwin. Or, on avait tellement fondé de choses sur Darwin qu'on n'a pas pu accepter Mendel. Car en fait, cette idée qui avait été lancée par Mendel, que les meilleurs éliminent les moins bons, c'est au fond une définition du meilleur. À quoi on reconnaît qu'il est meilleur? À ce qu'il l'a emporté sur l'autre. Et par conséquent, c'est une pure tautologie. On définit le meilleur comme celui qui l'emporte sur l'autre, et on en conclut que le meilleur l'emporte sur l'autre. C'est pas très sérieux, finalement. Alors, en fait, il a fallu, à partir de 1900, refaire toute la théorie de l'évolution. Et bien sûr, on a essayé de badigeonner le mendélisme, qui est une théorie évidemment exacte, par un petit peu de darwinisme. Ça a marché jusque dans les années 70, je dirais. Et puis depuis, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que si réellement le meilleur élimine le moins bon et transmet ses caractéristiques, progressivement, on va arriver à une homogénéité de n'importe quelle population. Or, le constat évident, c'est que toute population est hétérogène. Un homme ne ressemble pas à un autre homme. Un chimpanzé ne ressemble pas à un autre chimpanzé. Partout, la nature maintient de la diversité. Alors, du coup, il a fallu remettre en cause tout le néo-darwinisme qui a été développé pendant, disons, un peu plus que la première moitié de ce siècle. Et actuellement, on peut dire qu'il n'y a pas de théorie simple de l'évolution. L'évolution, bien sûr, existe, mais l'explication darwinienne, au fond, ne tient pas la route. Or, pourquoi est-ce qu'on l'avait gardé? Vous savez, pourquoi est-ce qu'une théorie scientifique se répand vite? C'est pas parce qu'elle est vraie, c'est parce qu'elle résout un problème de société. Or, on est en 1859, dans une société anglaise, chrétienne, victorienne, où on explique qu'il faut aimer son prochain, puisque c'est écrit dans l'Évangile, mais où il y a quand même des enfants qui descendent dans la mine et qui en sortent que tous les dimanches. Il y a un certain nombre de gens qui sont exploités. C'est une société où on n'aime pas son prochain, où on exploite. Et ça crée une petite gêne quand même. Or, voilà que la science vient nous dire, mais bien sûr, mais c'est la nature qui veut ça. Pour qu'il y ait un progrès de la moyenne, il faut que les meilleurs l'emportent. Et par conséquent, les meilleurs, ce sont ceux qui réussissent, ceux qui sont compétitifs, et il faut les aider à réussir. Et même on a développé ce qu'on a appelé un darwinisme social, qui consiste à dire, c'est bien joli l'Évangile, c'est bien joli d'aimer son prochain, d'aider les malheureux, mais on va contre les lois de la nature, et par conséquent, on empêche l'amélioration. Vous savez, c'est une idée qui est encore présente. En 1979, je crois, enfin, je ne sais plus très bien la date, peu importe, mais il y a, disons, une douzaine d'années, dans un journal du Loir-et-Cher, donc en France, un médecin a écrit qu'il y a dans la société des gens qui ne réussissent pas. Ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'avaient pas le patrimoine génétique leur permettant de réussir. Et il vaudrait mieux que ces gènes mauvais qu'ils ont, ils ne les répandent pas trop. Donc il faut supprimer les allocations familiales aux gens pauvres et donner cet argent aux gens riches pour les au contraire, les encourager à faire beaucoup d'enfants, puisque s'ils sont riches, c'est qu'ils sont, etc. Vous voyez le raisonnement. Eh bien, ce raisonnement-là a été tenu en France, il y a donc une quinzaine d'années. Il est encore présent dans beaucoup de mentalités. Alors si c'était vrai, ben, il faudrait faire avec. S'il y avait un argument scientifique en faveur de ça, mais il n'y a pas d'argument scientifique en faveur de ça. En fait, l'évolution, bien sûr, elle a été un peu le produit du fait que quelques mauvais gènes ont été éliminés. Mais ce n'est pas si simple de dire qu'il y a un mauvais gène opposé à un bon. Il y a un exemple bien connu, c'est celui de l'anémie falciforme. C'est une maladie qui est très grave et qui tue des quantités d'enfants en Afrique. Elle est due au fait que l'enfant a reçu deux gènes qui font que ses globules rouges n'ont pas une bonne forme, ils n'ont pas une bonne structure. Bien. Et il en meurt d'anémie et d'accident vasculaire. Mais il y a des gens qui ont reçu un bon gène et un mauvais gène. On les appelle savamment les hétérozygotes. Eh bien, ceux-là, semble-t-il, dans certaines conditions, sont protégés contre le paludisme. Alors, est-ce que le gène en question est mauvais ou bon ? Ben, ça dépend. Si vous en avez deux, il est mauvais, il vous tue. Si vous en avez qu'un, il est bon, il vous protège. Le problème, c'est que si l'on admet la compétition, la compétitivité, comme on dit maintenant, comme une sorte de facteur favorable et facteur essentiel, ça veut dire qu'il faut la déceler le plus tôt possible. Et donc, il y a des méthodes, apparemment, de recherche, de ce qu'on appelle le fameux quotient intellectuel et autres, enfin, des qualités éventuelles du futur compétiteur. C'est-à-dire qu'au fond, on fabrique pratiquement sous cette forme. Et là, on est dans un problème plus vaste qui est celui d'éducation, que vous abordez très bien, d'ailleurs. En se demandant, vous dites, à quoi sert l'école, si c'est précisément à former littéralement de futures fourmis travailleuses, c'est pas besogneuses et soumises, qui seront là pour prendre une place dans un système où elles ne seront qu'un pion sur l'échiquier. Alors, vous dites dans La Légende de la Vie, je crois que précisément, une société qui reposerait vraiment sur ce qu'on pourrait appeler actuellement les non pas les lois de la nature, mais enfin les données qu'elle nous fournit actuellement, ce devrait être entre les différents membres d'une population la coopération et non pas la compétition. Comment peut-on, dans un monde où il y a actuellement, comme on le voit malheureusement, non seulement des rivalités à l'intérieur d'une société, mais bien sûr des querelles encore plus graves entre les différentes factions d'une société, pour des raisons politiques, religieuses et autres, comment la coopération, est-ce que ce n'est pas un message que je trouve moi positif, mais qui risquerait d'être aussi fragile que le message d'amour des évangiles ? Alors moi je ne voudrais pas prononcer d'aussi beaux mots que le mot amour, bien sûr, je suis pour, mais je voudrais rester scientifique, sèchement scientifique, et me dire, au fond, quelles sont les leçons, si elle a à nous en donner, que nous donne la nature. Regardons ce qui s'est passé. Mais on s'aperçoit que l'évolution a fait des bons en avant, qui étaient en général la victoire du handicapé, la victoire du raté, celui qui n'est pas normal, qui n'est pas comme tout le monde. Vous savez, le premier poisson qui est sorti de l'eau, c'était un poisson raté. De même que le premier primate qui a descendu des arbres, notre ancêtre Homo, eh bien, il était un primate raté, probablement à cause de son absence de baculum, c'est-à-dire d'ospénien, ou à cause de pattes arrière mal fichues, etc. Nous sommes des primates ratés. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire raté ? Ça veut dire raté vu par ceux qui sont normaux. Qu'est-ce que ça veut dire la norme ? Rien, la moyenne. Et par conséquent, l'apparition de quelqu'un d'anormal, de temps en temps, ça lui coûte très cher d'être anormal. Ça veut dire qu'il ne sait pas faire des choses que les autres savent faire, mais que peut-être il sait faire des choses que les autres ne savent pas faire, et qu'il est là pour explorer une voie nouvelle. Et nous en sommes l'exemple. Nous sommes des primates ratés qui avons exploré une nouvelle voie. La voie que nous avons explorée, c'est de dominer le monde qui nous entoure, de le transformer, parce que nous sommes intelligents, que nous nous posons des questions, et que nous arrivons à comprendre ce qui se passe autour de nous, donc à le transformer. C'est ça qu'on a apporté. Mais il y en a quoi ? On est des minables à peu près sur tous les domaines. Si bien que la vraie leçon, c'est de se dire, il faut transformer les handicaps en moteurs. Imaginez qu'on applique ça dans des écoles. Alors voilà, un enfant, il est handicapé. Il ne va pas vite, ou il ne comprend pas ceci, il ne comprend pas cela. Tant mieux, il a un handicap, on va le transformer en moteur. Et on peut présenter pratiquement toutes les grandes découvertes, toutes les grandes avancées humaines, comme la victoire d'un handicapé qui a surmonté son handicap. Alors c'est exactement le contraire de la fameuse compétition. Mais moi je me demande pourquoi on a inventé cette idée que dans la nature tout est compétitif. C'est pas vrai. Le plus souvent dans la nature, il y a des exemples de coopération entre espèces, à l'intérieur des espèces. Il y a aussi des bagarres, il y a aussi de la violence. Mais il nous faut quand même lutter contre ce danger de la violence, puisque maintenant qu'on est capable de tout faire, on peut s'entretuer définitivement, on peut suicider l'humanité. C'est bien que Vous avez évoqué le QI, ça représente quoi? Mais ça, il faut le démolir. Il faut le démolir. Il faut dire combien le quotient intellectuel n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une mesure complètement arbitraire, essentiellement basée sur la vitesse, la rapidité. Mais qui est rapide vraiment? Pour moi, celui qui croit comprendre vite, c'est celui qui ne s'aperçoit pas qu'il n'a pas compris. Tandis que celui qui s'aperçoit qu'il n'a pas compris, il va lentement, voire Einstein. D'ailleurs, à ce propos, dans votre livre, là, je crois que c'est « Au péril de la science », vous dites, avec, c'est très intéressant parce qu'au fond, on n'y avait pas pensé, que si on avait appliqué ces méthodes modernes au siècle dernier, par exemple, à un certain nombre de personnes, eh bien, des gens comme Beethoven, des gens comme Lénine, je crois que vous citez également un autre nom, auraient été pratiquement considérés comme des sous-doués. C'est-à-dire qu'ils auraient été parmi ceux qu'on aurait considérés comme des gens en retard. Parce qu'effectivement, ils n'ont exprimé vraiment leur personnalité, même leur génie, que très tardivement, d'une certaine façon, par rapport aux critères habituels. Alors, je crois que c'est un exemple tout à fait révélateur, et je me dis qu'il faudrait vraiment le mettre presque en exergue dans toutes les écoles, que l'éducation nationale devrait l'avoir en pensée toujours, parce que ça me paraît un exemple particulièrement révélateur. Vous venez de parler d'enfants doués, surdoués, sous-doués, ou d'enfants en avance ou en retard. Mais au fond, ça veut dire quoi? Dans les écoles, on ne parle que de ça. C'est vrai, un tel, il a un an d'avance. Un tel, il va plus vite qu'un autre. Et qu'est-ce que ça signifie? Quand on y réfléchit, on s'aperçoit que la notion d'avance ou de retard n'a rigoureusement aucun sens, sauf du cas pathologique. Mais du coup, je milite pour qu'on interdise aux professeurs de connaître l'âge des élèves. À quoi ça leur sert? Ce qu'il faut qu'ils connaissent, c'est l'état intellectuel des élèves, mais pas leur âge. Supprimons cette notion d'avance ou de retard, et par conséquent, de don ou de pas don. Que le développement intellectuel dépend du patrimoine génétique, tout le monde en est d'accord. En dépend, oui, mais soit totalement préétabli par, non, certainement pas. On a toute une aventure intellectuelle. N'importe qui peut devenir idiot, c'est facile. Il n'y a qu'à s'installer devant la télé, attendre et manger du chewing-gum. Ou bien jouer au loto, ou bien ne s'occuper que de crétinerie tous les jours. On devient idiot instantanément. Tandis que devenir intelligent, c'est à la portée de tout le monde, ça consiste à poser des questions et à jamais être satisfait des réponses. C'est ça l'intelligence. Ça ne se mesure pas, bien évidemment. C'est une construction. Moi, j'en reviens toujours à la phrase de la petite fille de 12 ans qui m'avait dit « Monsieur, est-ce que dans votre tête, c'est fait comme dans ma tête ?» C'est une phrase merveilleusement dite. Et oui, elle se rendait bien compte que ma tête n'était pas la même que la sienne. J'ai 60 et des années, elle a 12 ans. Mais ce qu'elle voulait dire, est-ce que ma tête à moi peut devenir belle? J'ai répondu, la mienne, je ne suis pas tout à fait mécontent. Ce qui se passe à l'intérieur, il y a des émotions, des images. Oui, ça marche pas mal, merci. Mais dans ta tête, à toi, il y a tout ce qu'il faut pour que tu construises quelque chose de bien plus beau que moi. Et c'est vrai, malheureusement, ça ne va pas être fait. Et pourquoi ça ne va pas être fait? Parce que la pauvre petite fille, elle n'a pas d'argent, elle n'est pas compétitive, ses parents ne sont sûrement pas compétitifs, sont des immigrés, sont des chômeurs, etc. Elle va être laminée, c'est parfaitement dégueulasse. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Si bien qu'il faut comprendre que quand on évoque la compétition, on évoque le pire des remèdes, le pire des moyens, il y a mieux à faire. Dans l'ensemble de vos activités, il y a une part importante que vous consacrez justement à vous rendre auprès des gens qui sont défavorisés, disons, qui sont dans une situation difficile, ce qui est vraiment tout à votre honneur. Et cette part, est-ce qu'elle ne signifie pas cette solidarité que vous manifestez à l'égard aussi bien de gens expulsés, de gens défavorisés, sous une forme ou sous une autre, d'handicapés ou de victimes, de marginalisés par la société, justement par les lois absurdes de cette société? Est-ce que ça ne signifie pas quand même que, loin d'être bien sûr de faire appel à la compétition, il faut tout de même, je dirais, lutter contre la résignation dans ce domaine? Ceux qui sont parmi les exclus ou les incompris, ou les mal aimés, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y faire lorsqu'on a ce sentiment qu'on est peut-être un raté positif, mais que ça se manifestera qu'à une longue échéance? Vous avez prononcé le mot important, il me semble, c'est l'acceptation. Il faut pas accepter son sort quand le sort est insupportable. Mais il y a de beaux exemples. J'étais il y a quelques semaines rue du Chalet, dans le 10e arrondissement, il y a là des gens qui prennent leur sort en main. Dieu sait qu'ils vivent dans des vrais taudis, mais ces taudis, ils les repeignent, ils les transforment, ils font que ça soit vivable. Ils réagissent. Et peut-être ce qu'apporte mieux l'abbé Pierre, c'est de dire à chacun, vous pouvez prendre votre sort en main. Il m'a raconté, il l'a déjà publié ailleurs, mais il faut le redire, comment il avait lancé Emmaüs. C'était dans les années 50, avant la fameuse année 54 où il a été connu de tout le monde. où il avait plus d'argent, il était dans des équipes qui essayaient de construire dans des conditions insupportables, il était vraiment à zéro. Il voit arriver un homme, trentaine d'années, qui lui dit: je sors de prison, j'ai rien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, sinon moi je me suicide. Et l'abbé Pierre lui a dit: moi je peux rien faire pour toi, vraiment j'ai rien. Par contre, puisque tu vas te suicider, ben attends, et toi tu peux nous aider. Est-ce que tu pourrais pas faire ceci, faire cela? Autrement dit, il a renversé les données. Il a demandé à celui qui lui demandait secours, il lui a demandé secours. Et l'autre a aidé, et il est toujours là. Je crois que c'est une leçon formidable. Il a osé demander un service à celui qui lui en demandait un. Autrement dit, il n'était pas compétitif, le type en question. Il était à zéro, il était nul. Il était marginalisé, mis sur la touche. Et on lui dit tout d'un coup: j'ai besoin de toi. C'est ça qu'il faut dire aux chômeurs: j'ai besoin de toi. C'est ça qu'il faut dire à tous les marginaux: on a besoin de vous. Et naturellement, puisqu'on a besoin d'eux, le service qu'ils rendent. Mais il faut le rémunérer, il faut que cette place dans la société qu'ils ont vraiment, eh bien, elle soit considérée comme méritant un salaire, méritant d'avoir accès à un certain nombre de richesses. Mais vous savez, on arrive au terme de cette rencontre. Moi, j'ai l'impression qu'il faut tout repenser autrement. Un tout petit exemple, un peu pittoresque. J'y pense quand je suis en voiture. Pourquoi est-ce que dans les rues de Paris, je peux circuler? Parce qu'il y a un certain nombre de centaines de milliers de braves gens qui seront sous terre dans le métro. Ils me rendent service en étant là. S'ils n'étaient pas dans le métro, ils seraient dans les rues. Je ne pourrais plus bouger, ça serait complètement engorgé. Par conséquent, le métro rend service aux gens qu'il transporte, mais il rend encore plus service aux gens qu'il ne transporte pas. Et par conséquent, ce service, il faudrait le payer. Et par conséquent, c'est parce que je ne prends pas le métro, mais ma voiture, que je dois payer le métro. Et à la limite, on peut dire que le prix du billet de métro devrait être négatif, puisque les braves gens qui descendent sous terre, ils rendent service aux autres en leur permettant de circuler à peu près tranquillement. Alors, à défaut d'être négatif, ça pourrait au moins être nul. Et j'imagine que voilà une action facile à faire, qui consisterait à faire payer le métro parisien par ceux qui utilisent leur voiture. C'est juste. C'est économiquement parfaitement justifiable. Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas? On n'ose pas revenir en arrière sur des idées reçues. Alors, ça n'est qu'un petit exemple pittoresque, mais je crois que l'essentiel aujourd'hui, sinon on va à la catastrophe, c'est d'oser remettre à plat toutes nos idées reçues. Alors je voulais vous poser peut-être une dernière question, en remontant un peu sur ce qu'on pourrait appeler l'usage de la science. On a eu des exemples assez clairs et à mon avis assez désastreux, et même très désastreux, lorsque dans les régimes de l'Est, les régimes communistes, qu'on pouvait penser assez proches du point de vue ou de la perspective scientifique, on s'est aperçu que la science, notamment une certaine science, celle qui touchait à l'anthropologie ou même particulièrement à la génétique, je pense à l'affaire Lysenko, on s'est aperçu qu'en fait cette science n'intéressait les politiques qu'à la seule mesure où elle pouvait les aider à travers leur système hiérarchisé, n'est-ce pas, de valeurs sur les hommes, sur la nature, etc. C'est-à-dire qu'elle était aussi, je dirais, fragile et menacée qu'elle pouvait l'être par l'Inquisition au Moyen Âge et même plus tard, comme on le sait par l'histoire de l'astronomie. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'ensemble du monde scientifique pourra parvenir, ou est-ce qu'il est en train de parvenir, à une sorte d'autonomie qui lui permettrait d'échapper à ce type de pression? Et il faut penser aussi, en dehors des pressions religieuses et politiques qui sont le cas de l'Église et le cas du communisme, aux pressions économiques qui sont peut-être moins sensibles, mais qui peuvent être tout aussi réelles. Je vais vous paraître naïf, mais je crois que oui, le monde scientifique est en train de s'affranchir de ces pressions. On n'a plus une opinion scientifique en fonction du fait qu'on est marxiste ou anti-marxiste, qu'on est chrétien ou qu'on est musulman. Au fond, je crois qu'on ose maintenant dire: je découvre cette vérité ou je l'ai apprise, eh bien, ça semble être en contradiction avec mon idéologie, c'est donc que mon idéologie s'est trompée, puisqu'il y a des preuves scientifiques de ceci et de cela. Actuellement, il y a un exemple, c'est la pression de certains intégristes islamiques qui disent: on n'a pas pu aller dans la Lune puisque le Coran prétend qu'on ne peut pas y aller. Et par conséquent, comme le Coran ne peut pas avoir tort, c'est pas vrai, les Américains ne sont pas allés dans la Lune. Je suis persuadé, moi, qu'ils sont allés dans la Lune, et les bons musulmans diront: ben, c'est qu'on a mal interprété le Coran, de même que les chrétiens disent maintenant: on a mal interprété la Bible. La Bible n'était pas un livre d'histoire, ce n'était pas non plus un livre de science, c'était un magnifique mythe pour expliquer des choses mystérieuses. C'est tout. Donc je crois vraiment qu'il y a une certaine rigueur scientifique qui fait que les scientifiques se battent, bien sûr, se disputent, mais se disputent, je dirais, honnêtement, sans se traiter les uns les autres de salopards de gauche ou d'affreux de droite. À partir du moment où on parle d'une certaine rigueur, on s'écoute. Les problèmes sur le sida, par exemple, entraînent pas mal de difficultés, mais elles ne sont pas idéologiques. Elles sont quelquefois financières, ce qui n'est pas forcément mieux, d'ailleurs. Là, il y a probablement une des raisons d'espérer dans le siècle qui vient, d'autant plus qu'il y a aussi un certain appétit des politiques à écouter les scientifiques. Ils se rendent bien compte, les politiques, qu'à force de dire n'importe quoi, personne ne les croit. Comme ils ont envie d'être crus, alors ils viennent chercher les scientifiques. Mais il ne faut pas non plus que les scientifiques deviennent des gourous, car un scientifique sait qu'il peut se tromper. Simplement, il donne une certaine théorie, il dit « si je me suis trompé, vous devez pouvoir le voir à tel endroit ». C'est pourquoi j'aime tant les mathématiques, c'est que dans une démonstration mathématique, vous pouvez vous tromper, mais le petit camarade va en tout cas pouvoir s'en apercevoir, c'est pas camouflé. À mon tour de vous poser une question, vous êtes l'homme qui a compris les mythes, qui s'est enrichi de tous ces mythes, qui s'est enrichi de cette pensée d'autrefois. Est-ce que vous trouvez, votre réaction face à la science, c'est d'y voir quelque chose qui dessèche ou au contraire quelque chose qui ouvre plus largement? Il faut que je vous dise, pour répondre à cette question, qu'en réalité, moi, dans mon adolescence notamment, j'ai surtout lu des ouvrages scientifiques, beaucoup plus que des ouvrages littéraires. J'ai une grande passion pour l'astronomie, telle qu'on pouvait la lire à l'époque. Il y avait tout de même, avant la guerre, des livres de vulgarisation. Une grande passion aussi pour la zoologie en général et pour la nature. Et donc j'ai lu pas mal de livres et je dirais même que mes premières lectures ont été surtout des lectures scientifiques. Alors je n'ai donc jamais considéré que par ailleurs les études que je pouvais faire dans le domaine de l'archéologie ou des sociétés anciennes devaient m'obliger à choisir un monde dont la science serait exclue. Et c'est pourquoi je trouve d'ailleurs aujourd'hui, après cette évolution de plusieurs années, que non seulement la science ne me sépare pas des terrains que j'ai étudiés, à savoir l'histoire des religions anciennes, les mythes notamment, les légendes, mais que même par beaucoup de côtés, elle crée elle-même, sinon des mythes, en tout cas des images et des visions du monde qui parfois sont même tout à fait extraordinaires et qui vont même au-delà de certaines images mythiques. Si l'on regarde enfin la vision de l'univers que donne actuellement l'astrophysique, si l'on regarde l'image de l'intérieur de l'homme que donne le microscope électronique ou même la représentation qu'on peut se faire des chromosomes et des gènes, on est en face d'un monde qui est d'une richesse, et je dirais même une plus qu'une richesse, qui a une capacité d'évocation aussi forte que celle des mythes. Et pour, disons, peut-être rapprocher les deux, je dirais qu'en étudiant notamment les mythologies indiennes, j'étais frappé de la ressemblance qu'il y a avec certaines données, des images et des mesures du monde moderne. Un Indien me disait que dans la tradition de Vishnu, pour définir une année de Brahma, le grand dieu Brahma, qui vit comme tous les dieux et qui a simplement un temps différent d'une autre, un jour de Brahma, et ne parlons pas d'une année, qui bien sûr en a 365, un jour de Brahma, c'est le temps que mettrait un balancier de gaz à user une montagne de bronze qu'il effleurerait une fois par siècle. Donc, on m'a souvent dit que ce serait plutôt le balancier qui s'userait avant la montagne. Mais si on admet cette image, on a une idée, je crois, assez évocatrice de la façon dont la mythologie indienne a pu envisager le temps de l'univers, et qui n'est pas très loin éloigné des mesures que nous donne la science d'aujourd'hui sur les milliards d'années que possède notre univers, enfin notre univers, c'est-à-dire l'ensemble des galaxies. Donc là, je dirais que sans se rejoindre véritablement, je ne considère pas du tout les deux domaines comme divergents, et en tout cas dans le domaine de l'astrophysique notamment, et je dirais dans le domaine de la microbiologie, la science m'apparaît au contraire comme une sève, et pas du tout comme un domaine qui dessèche. Autrement dit, la science aide à l'émerveillement. Tant mieux. À voix nue, Albert Jacquard s'entretenait avec Jacques Lacarrière. Réalisation, Nicole Salerne.